Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui connaît des blocages financiers. L'ennemi s'oppose à ta prospérité. Tu dois prendre un temps de jeûne pour récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Bientôt, le Seigneur va débloquer ta situation. Je prophétise avant la fin de l'année ton relèvement dans les finances et tu verras la main de Dieu de manière surnaturelle et tu témoigneras que l'Éternel est celui qui relève ceux qui sont tombés, car l'or et l'argent lui appartiennent. Saisis cette parole. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Psaume 70. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 70, qui est notre passage du jour. Au chef des chantres de David, pour souvenir. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent « Ah, ah ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Amen. Il y a trois vérités qui ressortent de ce psaume. Première vérité, lorsque nous sommes combattus, crions à Dieu pour qu'il nous délivre et qu'il nous secoure. Il y a deux prières importantes que David adresse à Dieu en sa faveur. Et nous devrions imiter de telles prières. Il dit « Hâte-toi de me délivrer » au verset 2. Et deuxième prière, il dit « Hâte-toi de me secourir ». Toi aussi, tu dois apprendre à dire ça à Dieu. « Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de me secourir. » Voyons d'abord la première prière. « Hâte-toi de me délivrer. » La délivrance est l'un des besoins du chrétien. Il est vrai que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous expérimentons la délivrance divine, en ce sens que Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, comme nous dit Colossiens 1, 12 à 13. Toutefois, nous avons continuellement l'assurance d'être délivrés du péché et de nos ennemis qui nous combattent. Dans la prière que Jésus nous a apprise, nous trouvons cette phrase à laquelle beaucoup ne font pas attention. « Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Matthieu 6, 1 à 3. « Délivre-nous du malin. » C'est-à-dire, nous avons besoin. Tu peux être chrétien, mais à un moment donné, tu peux connaître l'oppression où les forces des ténèbres viennent te combattre et tu as besoin de la délivrance divine. C'est pourquoi il dit « Délivre-nous du malin. » Hâte-toi de me délivrer. Lorsque nous sommes en face des puissances sataniques qui nous combattent, nous avons besoin de crier continuellement à Dieu en lui disant « Délivre-nous du malin. » La Bible nous présente Jésus comme un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, selon Luc 1, 71. Mais pour que nous expérimentions sa délivrance, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière en lui disant « Père, hâte-toi de me secourir ». Notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme nous dit le psaume 46, verset 1. Nous devons donc crier à lui pour qu'il vienne nous secourir lorsque nous sommes en danger. Nous savons combien le secours des sapeurs-pompiers, par exemple, est nécessaire lorsqu'un incendie se déclenche. Si les secouristes viennent en retard, l'incendie consume tous les bâtiments ainsi que ses habitants. Il y a donc urgence dans l'intervention. Il en est de même de quelqu'un qui a connu un accident grave et qui saigne. Il doit être conduit immédiatement à l'hôpital, aux urgences, pour qu'il soit pris en charge, arrêter l'hémorragie et sauver sa vie. David réalise que c'est Dieu son secours et il lui demande de se hâter pour le secourir. Nous avons besoin de formuler une telle prière. Lorsque l'urgence s'impose devant nos ennemis qui cherchent à nous faire du mal, dans la plupart des pays, il existe des forces spéciales, des forces d'intervention rapide pour libérer des otages, par exemple, ou mettre hors d'état de nuire des malfaiteurs. Nous pouvons imaginer que Dieu a aussi des unités d'anges qui font partie des forces spéciales et qu'il envoie pour nous secourir en toute hâte. L'ange qui fut envoyé pour délivrer Pierre de la prison faisait probablement partie de telles forces, car il est intervenu la nuit avant que le roi Hérode ne mette à exécution son projet de faire comparaître Pierre devant le peuple dans le but de le faire mourir. Vous pouvez vérifier cela dans Actes 12, 6 à 7. Deuxième vérité, le secours divin crée la confusion et la honte dans les camps de nos ennemis. Quand Dieu vient te secourir, il va faire quelque chose qui va créer la panique, la confusion dans les camps de tes ennemis. Ceux qui s'attendaient par exemple à ta mort, à ta destruction, ils ne vont pas comprendre comment Dieu va te délivrer de cette situation. Et ils vont paniquer. La confusion dans les camps de nos ennemis est perceptible à travers cette prière de David. Il dit qu'ils soient honteux et confus, verset 3. Il dit aussi qu'ils reculent et rougissent. Et il dit au verset 4 qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Quand quelqu'un retourne en arrière, c'est-à-dire il a la honte, il voit que c'est le contraire qui arrive, il est honteux, il retourne en arrière, il est dans la confusion. Lorsque Pierre fut délivré miraculeusement par le Seigneur à travers l'intervention de l'ange, il y eut une grande confusion dans le camp d'Hérode qui voulait le tuer. La Bible nous dit que les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode donna l'ordre de le tuer car Pierre était introuvable. Acte 12, verset 18. Par la suite, c'est Hérode lui-même qui fut frappé par un ange de Dieu lorsqu'il était assis sur son trône royal, revêtu des habits royaux. Il harangua publiquement la foule et cette dernière cria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Son orgueil précipita sa chute. Il fut rongé par les vers. Vous trouvez cette histoire dans Actes 12, 20 à 23. Lorsque les Ammonites et les Moabites vinrent combattre contre Israël, le roi Josaphat publia un jeûne pour tout Juda. Il se confia en l'Éternel et adopta la stratégie que Dieu avait révélée par ses prophètes, la louange. Dieu combattit pour Israël à telle enseigne qu'il eut confusion dans les camps de leurs ennemis. Ils se combattirent les uns contre les autres. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 20, 22 à 23. Il est dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les filles d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les filles d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Troisième vérité, le secours divin suscite la joie et la louange pour le peuple de Dieu. Quand Dieu te secourt dans le camp de tes ennemis, il y aura la confusion. Mais maintenant, dans le camp de Dieu, il y aura la joie. David utilise ces deux expressions pour désigner le peuple de Dieu. Il dit « ceux qui te cherchent » au verset 5. « Ceux qui aiment ton salut », c'est-à-dire ceux qui cherchent la face de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui connaissent Jésus. L'expression « ceux qui te cherchent » veut dire ceux qui invoquent Dieu dans la prière. Jésus pouvait dire « demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » Matthieu 7, 7. Ceux qui aiment ton salut voudrait dire ceux qui cherchent la délivrance auprès du Seigneur. Pour nous les gens de la Nouvelle Alliance, aimer le salut, c'est aimer celui qui donne le salut, à savoir Jésus-Christ. La Bible dit « il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devrions être sauvés. » Acte 4, verset 12. David dit que ceux qui cherchent Dieu et qui aiment son salut seront dans l'allégresse et se réjouiront en lui. Verset 5. Ceux qui aiment son salut diront sans cesse, exalté soit l'Éternel, exalté soit Dieu. Verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui connais des moments d'oppression, laisse-moi te dire, le Seigneur va te délivrer. Il va créer la confusion dans les camps de tes ennemis. Et quand il va te délivrer, tu vas louer le Seigneur, tu vas te réjouir. Le camp de Dieu sera dans la joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les célébrer à travers ces cantiques. l'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il opère des prodiges et des miracles en notre faveur. Élevons nos voix. Bénissons son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Nous sommes très contents et très heureux de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission OSB. Bientôt, nous aurons une grande rencontre à Abidjan à la fin de l'année pour dire merci au Seigneur. Nous appelons cela OSB d'action de grâce, où nous donnons à chacun l'opportunité de venir donner soit un témoignage et surtout de venir remercier le Seigneur par une offrande spéciale. Vous qui êtes au loin, vous pouvez le faire. Si Dieu vous met à cœur, vous pouvez le faire. Si vous voulez savoir comment le faire, veuillez nous contacter ou contacter celui qui partage avec vous OSB. On peut vous donner les moyens pour que vous puissiez envoyer tout ce que Dieu vous met à cœur. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 70. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Demandez à Dieu de vous délivrer de toutes les situations qui vous accablent et de vous secourir dans vos combats. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Le Dieu des délivrances, ce matin, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions à toi parce que nous avons besoin d'être délivrés de l'esprit de l'impudicité. Nous avons besoin d'être délivrés de la sirène des eaux, de cette maladie qui nous oppresse. Nous avons besoin d'une délivrance. Père, pour cet esprit d'infidélité, pour cet esprit de non-accomplissement, nous crions à toi que tu nous en débarrasses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour cet esprit qui nous empêche d'aller à notre prochain niveau, brise-le à nous, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui vole notre joie, détruit ses œuvres dans notre vie, dans notre âme et dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cet esprit de mort qui rôde et qui cherche à nos nuits, chasse-le loin de nous en cette saison de fin d'année et donne-nous la victoire sur tout esprit de mort prématuré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cet esprit méchant, oui Seigneur, qui vole nos biens, nos bénédictions et tout genre de grâce, aujourd'hui Seigneur, nous invoquons ton nom. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Seigneur, nous t'invoquons, toi seul est vrai, toi seul à la parole qui est vivante et efficace. Merci Seigneur de nous délivrer de ces esprits méchants au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire et honneur à toi Saint-Esprit de Dieu pour ton œuvre de délivrance qui continue dans la maison en ce jour. Merci pour ton esprit qui descend dans la vie de quelqu'un pour le libérer de tout esprit diabolique, de tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous donnes sur tout esprit démoniaque, sur toute oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Prions pour que le secours divin crée la confusion dans les camps de nos ennemis. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Père éternel, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que tu nous bénis chaque jour. Nous sommes dans la joie parce que nous nous sommes couchés hier. Nous nous sommes endormis et tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous demandons, Père, que tu nous gardes, que tu veilles sur nous comme tu l'as toujours fait. Nous prions aussi, Père éternel, et nous demandons que ton secours divin mette un terme aux activités de nos ennemis. Que le secours divin crée la confusion dans le camp de nos ennemis. Fais en sorte, ô Père éternel, que lorsque nos ennemis entendent ta voix, qu'ils tremblent et qu'ils tombent. Protège tes fils et tes filles. Guide-les, ô Père éternel. Garde-les, ô Père éternel, parce qu'ils n'ont point d'autre secours. Nous n'avons aucun secours en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre seul secours. C'est pourquoi nous te disons merci. Ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Délivre-nous de nos ennemis. Délivre-nous de nos adversaires. Et fais en sorte que nous puissions toujours aller de l'avant, que nous puissions toujours témoigner que Jésus-Christ est Seigneur, que nous puissions toujours contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père éternel, pour ce privilège que tu nous donnes. Nous disons merci, Père éternel, pour cette grâce que tu nous donnes. Nous disons merci, Père éternel, pour notre zèle et notre énergie qui est renouvelée chaque matin. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que notre vie et notre témoignage soient un sujet de louange pour plusieurs. Que ce que Dieu fait dans ta vie là soit un témoignage qui va pousser plusieurs personnes à louer le Seigneur pour ses bienfaits. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père qui nous secourt, celui-là même qui est fidèle dans tous ses engagements, qui nous délivre, qui nous traite comme des enfants dignes de son nom et qui nous écoute avec son oreille attentive. Notre rocher, notre appui, notre forteresse et notre salut. Que ton nom soit activement et vivement béni dans notre vie parce que tu nous as protégés et tu nous gardes. Merci pour ces témoignages que tu nous accordes sans cesse. Merci pour la vie en Christ et merci pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire autour de nous. Merci Seigneur parce que ces actes que tu as manifestés poussent la multitude à contempler tes merveilles dans notre vie. Merci pour ce mariage que tu as ouvert dans la vie de cette sœur qui amène ses camarades à renoncer à l'impudicité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette guérison miraculeuse que tu as opérée afin que Seigneur cela soit un témoignage dans la vie de cette famille et qu'une multitude contemple à tes merveilles. Merci Seigneur pour ta main qui vient d'ouvrir cette porte de travail qui amène quelqu'un à célébrer Dieu, qui amène quelqu'un à reconnaître que sa c'est la main de Dieu qui l'a fait. Merci pour les renversements de situation. Merci Seigneur pour tout ce que l'ennemi a planifié au travers des hommes et qui est redevenu des sujets de témoignage afin que toutes ces personnes à la base de tous ces malheurs-là viennent à toi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Toi qui changes notre situation et qui nous donne la vie et des témoignages sans fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver encore demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.